des vagues, des filles encore, le roulis des bateaux. Les crêtes blanchies secouent leur coque imprudente. La gole est assiégée, c'est le fort à la mode. Dans ce champ d'écume, notre île flottante. Une fraîcheur matinale enveloppe l'étoile humide, frissonne les amalgames des nomades fatigués, usés par cette longue nuit de tempête terrible. J'écoute l'air dans les feuilles tremblantes des peupliers. Pa pa pa pa la pa pa pa pa pa pa la pa pa. Premier bruissement, le réveil du caillou. Déferle sur le camp en écho embrumé. Le retour des goélands, récuyem du vent fou. Je secoue ma carcasse de nuit blanche échouée. Et d'avoir survécu à un déluge biblique, ivre de sentir l'embrun dans mes veines couler, je découvre une fenêtre météorologique, l'insulodépendance, le syndrome de Noé. Pa pa.